Y a cette meuf qui vend ses fesses pour payer son loyer, et ce mec qui vend de la cesse à ceux qui aiment se noyer. Y a cette petite que l'on détourne en bas d'une tour, et qui tourne et qui tourne, puis qui pleure et qui court. Y a ce chef de famille piétiné par ses gosses qui rêve de glauque et de l'époque où on pouvait braquer une poste. Y a cette fillette qui rêve de gloire, de star et de strass, mais trop peu d'espace pour elle, donc elle boit à la tasse. Y'a ces études qui nous épuisent pour un malheureux SMIC. Normal que le shit soit devenu substitut de la tige. Normal qu'on veuille planer, qu'on ne veuille pas toucher le fond. À part creuser, tu veux faire quoi, ma star? Pousse le son, rangez vos rêves. Ici ça parle réalité, là où la barre fait baliser, là où les corps sont agités, là où la division des classes fera de vous des cas, là où les gars sont des abattes, là où les femmes sont des papas. Regarde ce gosse prendre du crack dans le square. Y'a sa mère qui peine à croire que son fils est un espoir. Y'a cette fille de millionnaire qui ne connaît pas le mot je t'aime, qui finira par foutre en l'air avec les millions de son père. Y'a toute une ville qui ne peut plus dormir tranquille depuis que Jean-Marie et Marine ont fait du chiffre en Afrique. Y'a cet amour qu'on ne connaît plus. Y'a que des films de cul, y'a que des filles nues qui nous tuent dans la porte qu'elle pue. Y'a que des tox, des taxes, des mensonges à la télé, que de l'intox, des taxes et des fonds que l'État a détournés. Y'a plus de cœur, y'a que de la haine dans nos mots. Y'a plus d'heures, y'a que de la peine dans nos mots. Mais y'a plus de pleurs, y'a plus rien qui tient la route. Tout qui se barre en sucette, y'a des gamines de 14 ans qui traînent leur môme en poussette. Y'a la musique qui se prostitue, la télé qui vous entube. Y'a des petites putes qui font des tubes, et des gamines qui donnent des thunes. Y'a des artistes comme moi qui vous respectent et qui travaillent, qui font des textes avec le cœur et qu'on mettra sur la paille. Y'a ton CV, toi qui rêvais d'être PDG. T'es mal barré, t'es pas zané, mieux vaut être blanc, crâne rasé. Y'a ces jeunes qui tiennent les murs, que la police défigure. On appelle ça une barbure, ils appellent ça une procédure. Donc y'a cette haine dans mes vers et de la rébellion dans l'air. Nous on conjugue plus les verbes, on fait des fautes et on t'emmerde. Regarde ces étudiants tarsés dans les facs qui rêvent de taf, mais que les taf leur asmicard. Au final y'a plus d'issue, de toute façon y'a plus de porte. Soit t'es fort, soit t'es mort, soit tu dors, soit tu mords. Viens, n'aie pas peur, viens goûter à la vie, viens goûter au déclin d'une jeunesse à l'abri. Viens me dire en face que tout est cool, soit t'as des couilles, soit tu coules. Donc moi je cours quand le monde s'écroule. Viens, n'aie pas peur, viens goûter à la vie, viens goûter au déclin d'une jeunesse à l'abri. Viens me dire en face que tout est cool, soit t'as des couilles, soit tu coules. Donc moi je cours quand le monde s'écroule. Ah ouais, au fait, mesdemoiselles, un peu de sérieux, c'est quoi ce délire? Depuis peu, j'arrête pas de voir des michetonneuses. Honte à nous, honte aux femmes, honte à celles qui nous dégradent, parfois dans les coulisses d'un stade ou au volant d'un cap. Donc y'a que des mecs qui croient que les femmes ne sont pas clean. On va pas s'en sortir, si à 7 ans elles portent le string, on va plus rire quand nos gosses subiront le système. Mais si tu m'aimes, dis-moi pourquoi t'as ken cette chienne. On a grandi avec de l'amour résumé, positif ou négatif, HIV ou MST, y'a plus rien de bon. Quoi que l'on fasse, on prend des risques. Moi j'ai choisi la chanson et depuis peu je vends des disques. Mais y'a trop de jeunes laissés pour compte après l'école, qui déjeunent à l'alcool et qui s'endorment à même le sol. Y'a plus de cabanes dans les arbres, y'a que des camps et des armes. Y'a plus de petits, y'a que des grands dans mon petit monde de banlieusards. Pendant que les parents triment, nous on s'en canaille, car il faut bien profiter de la vie avant qu'on s'en aille. Y'a des nanas qui ont des couilles, qui dégomment quand tu les touches. Et ça mon pote, fallait pas jouer de force avec sa bouche. Y'a trop de concepts, la nouvelle mode c'est d'être maigre. Désolé, moi j'ai des formes, faut être fat pour être maître, non. Des gens ont dit que j'ai réussi car j'étais blanche. Vas-y, remballe tous tes blabla, j'ai réussi parce que je te mange. Y'a plus de challenge, y'a que des tentatives de hit. Alors leur rap s'allège, bientôt les femmes vont porter le slip. Gros dragon, les écoute pas quand ils disent que t'es une dame, toi. T'inquiète, moi aussi, y'a que le train qui est pas passé sur moi. Y'a trop de jaloux, trop de gens qui veulent te perdre. Y'a trop de tabous, trop de mères qui ne savent plus faire pied exemplaire. Y'a trop de choses qui m'énervent, mais que j'intériorise. Moi j'suis une future maman, toujours pas pute ni soumise. Y'a trop de femmes superbes et plein d'hommes sur terre. Mais aujourd'hui c'est speed date, car l'amour se perd. Y'a plus de lettres, plus de mots doux, y'a que des SMS. Après ta partie PS2, viens on se retrouve par GPS. Y'a que des jeunes qui pètent les plombs, d'autres qui jettent l'éponge. Certains s'injectent de l'héros pour être héros dans leurs songes. Y'a trop de mecs qui noient leur peine dans la tige. Des femmes qui parlent suicide quand elles ont trop de graisse dans les cuisses. Y'a plus que du sucre sans sucre et des gâteaux sans beurre. Du café sans caféine et des cuisines sans odeur. Ça c'est chez nous, mais c'est vous qui l'avez fait. Si on est devenu fou, c'est juste une cause à effet. Viens, n'aie pas peur, viens goûter à la vie. Viens goûter au déclin d'une jeunesse à l'abri. Viens me dire en face que tout est cool, soit t'as des couilles, soit tu coules. Donc moi je cours quand le monde s'écroule. Viens, n'aie pas peur, viens goûter à la vie. Viens goûter au déclin d'une jeunesse à l'abri. Viens me dire en face que tout est cool, soit t'as des couilles, soit tu coules. Donc moi je cours quand le monde s'écroule. Au monde merveilleux. Y'a que des jeunes qui pètent les plombs, d'autres qui jettent l'éponge. Tant d'échecs, tant de défaites. Donc y'a cette haine dans mes vers et de la rébellion dans l'air. Au monde merveilleux. Maintenant on n'a plus le choix, on veut un grand chez nous, chez les autres. Tant d'échecs, tant de défaites. Qu'est-ce qu'on attend pour ne plus suivre les règles du jeu?